La nuit j'm'en veux, l'ami, la nuit m'en veut. Ce soir j'suis pas bien, trop de proches en drôle. La vie c'est les ciments qui tombent de l'or. Traîne par la maille, fais j'étanner dehors. Fais pas le souffle, fais pas le mec ignore. Non, le GP mec n'est pas là pour la coupe. La concu rien à foutre, faites hella dans la foule. J'les fous. La nuit c'est le bordel, bordel, tout nous jarre est mortel. 2-30 sur la route boy, fais gaffe à ta vie mec. Et ton phénomène dans les basses. De Seymar à Paname, c'est la nuit que ça se passe. T'es dans ma ville où ça sent le nef. Pour un cash à la mif. Les schmitts nous contrôlent merde. Alors que j'suis carré dans ma berline. Parle pas de plan folle, arrête de faire le fou. Ayant le coup, c'est ta sœur, on voit de partout. La nuit c'est chaud, mon fils, ils en passent des chauds. Avec des potes, l'alcool nous pousse à faire des fautes. J'fais le pilote, pas le costaud, j'fais peut-être une calotte. J'aime la nuit, mais c'est les ennuis. La poisson n'en parle plus, j'veux pas qu'elle nous braque la vie. Y'a des mecs costauds, des mecs fauchés. Des gens qui font les stars qui veulent même pas défaucher. Espèce de clochard, j'ai mis le costard. J'suis revenu parce que le videur t'a mis un crochet. La nuit j'me balade, j'vois que ça galade. J'vois des petits compés, ils voient ta maison, ils escaladent. Oulala, pareil qu'il y a le pauvre par là. La nuit c'est chaud, mon fils, ils en passent des chauds. Toujours c'est 2012, mon fils, pour le plateau. La la la la, la la, la la la la. Musique, pas danse, urine, on rentre tard, couche tard sur la cadence de l'usine. Y'a pas de coton, pas de bol. L'or faut le pack pour la charge, j'ai le pactole. Chez nous, pas de fit pourri, j'vois que t'es dans le pit, cousine. Non, j'ai pas d'estime, pour ce qui s'use, faut plus vite courir. C'est ça, j'ai le rap, t'as, j'viens du sud et rame ça. On fait du propre, même sur le jeep comme nous, on rap ça. Quartier noir, quartier sud, on s'en poilet, ça te tire dessus, si ça m'a poilet. Quartier noir, quartier sud, on s'en poilet, Marseille c'est chaud, si ça m'a poilet. La nuit c'est chaud, mon fils.